Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous avons le privilège de commencer un nouveau livre dans l'épître de Jean. Et ce livre a fait des gens heureux, mais a fait aussi des gens qui étaient malheureux, d'autres qui étaient pleins d'interrogations, parce que des textes qui sont pas faciles à comprendre si on ne le met pas vraiment dans le contexte du livre et du Nouveau Testament. Il y a des paroles qu'on retrouve seulement là, dans l'Épître, qu'on ne retrouve pas ailleurs, comme les péchés qui mènent à la mort. Un autre texte, celui qui est en Christ ne pêche point ou ne pratique point le péché. Des témoignages de l'eau, du sang et de l'esprit, donc de quoi il parle. Donc c'est pas facile. Mais on va essayer de tirer de ce texte, comme dans tous les autres textes de la Bible, de l'enseignement de la part de Dieu. Si on peut trouver le but que Jean avait, qu'est-ce qui se passait là? Ça va nous aider à comprendre le langage qu'il emploie avec ces gens-là. Les expressions. Donc, si vous voulez bien, on va tranquillement commencer, mais on est conscient, chacun de nous, qu'on ne peut pas le faire sans l'aide de Dieu. Et on va prier ensemble en commençant. Notre Père du ciel, merci que en toi, nous avons l'assurance que nous sommes aidés pour comprendre les Écritures, aidés pour interpréter, pour appliquer, aidés, Seigneur, pour la mise en pratique de ce que tu nous enseignes. Notre Père, convainc-nous profondément que ta parole est là pour nous révéler qui tu es et qui ton Fils est. Elle est là pour nous montrer qu'est-ce que vous avez fait, quel est votre plan dans toute cette humanité-là. Donne-nous de prendre notre place quand nous interprétons les Écritures, notre place de serviteur, notre place de créature. Et je crois qu'on va comprendre mieux ce que tu veux de nous. Aide-nous à comprendre cette belle épître que tu nous as laissée par les mains de Jean. C'est toi qui veux nous dire comment ton corps fonctionne, comment le programme que tu as pour l'Église va se dérouler. Donc, instruis-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons commencer par lire les quatre premiers versets de l'Épître de Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. Donc, il est facile de comprendre que l'auteur ici va nous parler de la parole de vie ou de la vie éternelle. À plusieurs reprises, il va parler de cela, juste dans quatre versets. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par cette vie-là. Et c'est qui cette vie-là? Qu'est-ce que ça fait cette vie-là? C'est pourquoi est-ce que Jean en parle? Qu'est-ce que ça fait dans ceux qui l'ont cette vie-là en eux? Donc, regardons ça ensemble. Il dit, ce qui était dès le commencement. Le commencement de quoi? Je crois qu'il parle en grande partie du commencement de la Nouvelle Alliance ou de la venue de Jésus sur la terre. Il y en a qui pensent que ça peut être le commencement de toute chose. Ça pourrait. Mais je crois que c'est peut-être plus. Nous allons voir que cette expression-là, dès le commencement, revient à plusieurs reprises. Et je crois qu'il fait allusion, dès le commencement, que ces choses ont commencé à se dérouler parmi le peuple d'Israël. Il dit ce qui était dès le commencement et ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc, il dit, je veux vous parler de cette parole de vie qui était là dès le commencement. Et cette parole de vie qui était là dès le commencement, ils l'ont vue, ils l'ont entendue, ils l'ont touchée. De quoi est-ce qu'il parle? C'est quoi cette parole de vie-là? Elle a été manifestée, cette parole de vie-là. Nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Donc, on comprend ici qu'il nous parle de Jésus, qu'il nous parle de celui qui était là dès le commencement. Et c'est important que nous saisissions parce que tout au long de l'Épître, c'est de ça qu'il va nous parler, de cette vie éternelle-là qui était là dès le commencement et qui nous a été manifestée. Et cette vie-là qui a été manifestée, il dit ce que nous vous annonçons, c'est la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Donc, cette parole de vie qu'ils ont vue, qu'ils ont entendue, qu'ils ont touchée, à laquelle ils rendent témoignage, c'est la vie éternelle qui est auprès de Dieu. Donc, s'il était auprès de Dieu et a été manifesté, donc elle s'est incarnée dans la personne de Jésus-Christ et elle a pris chair, elle était complètement humaine parce qu'elle a été vue et entendue et touchée. Ce que nous, les êtres humains, nous pouvons entendre avec nos oreilles, ce que nous pouvons voir avec nos yeux, ce que nos mains peuvent toucher, c'est quelque chose qui est matériel. C'est de la matière, parce qu'on n'a pas été créé pour toucher l'invisible. Nos yeux n'ont pas été créés pour qu'on puisse voir l'invisible. Nos oreilles ne sont pas capables d'entendre le monde invisible des anges. Quand Dieu s'est fait entendre ou s'est manifesté, c'est parce qu'il a pris forme quelconque de matière qu'on puisse entendre et voir et toucher des fois. Mais cette parole-là, qui était non matériel avant sa venue, qui était avec Dieu, elle s'est manifestée et elle a pris chair. C'est important qu'on comprenne ça parce que tout à l'heure, il va y avoir un conflit dans l'Église. Ce conflit, est-ce qu'il y en a qui disent qu'il n'est pas venu en chair? Mais s'il ne serait pas venu en chair, il n'aurait pas pu l'entendre, ni le toucher, ni le voir. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle. Et cette vie-là, c'est Jésus-Christ. Or, comment est-ce qu'il nous faut comprendre que la vie éternelle, ce n'est pas une place. Ce n'est pas quelque chose. C'est quelqu'un. La vie éternelle, c'est Jésus. Et quand lui nous donne la vie, il nous donne ce qu'il est, lui. Il vient habiter en nous. Il nous donne de lui-même. Il a dit, lui, pendant qu'il était sous la terre, « Je suis la vie ». On devait sous-entendre qu'il était la vie éternelle, parce qu'il est éternel dans sa nature. Donc, la vie qu'il a, la vie qu'il possède, c'est la vie éternelle. Et cette vie-là qu'il a vue, lui, Jean, qui a mis sa tête sur son sein, qui a touché de ses mains, que ses yeux ont regardé pendant 3 ans. Il a bien vu qu'elle mangeait, qu'elle buvait, qu'elle dormait, qu'elle allait au petit coin, qu'elle pleurait, qu'elle saignait, qu'elle pouvait mourir. c'est de la vie, c'est du physique. C'est un être humain. Ses réactions étaient des réactions d'être humain. D'être humain, excusez. Donc, c'est pas pour rien que Jean dit, « Hey, celui qui était là dès le commencement, celui qui était avec le Père, celui qui s'est manifesté ou incarné, dont, celui dont vous, nous vous avons annoncé, et que nous vous annonçons encore, et que je vais vous annoncer par cette lettre que je vous écris. Il était bel et bien humain. Et on va voir aussi divin, bien entendu. Mais il était, ce qui était remis en question, ici, auprès de ces gens-là, c'est ça, c'est son humanité. Mais certains vont dire, on va voir aussi dans le livre, qu'il y en a qui disent qu'il n'était pas le Christ. Qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Donc, on va voir ça ensemble. Pourquoi est-ce que Jean est si désireux d'annoncer cet évangile-là? C'était pour que les croyants qui étaient pour entendre ou lire ce qui était pour écrire étaient pour être en communion avec lui, Jean, et communion avec le Père et le Fils, Jésus-Christ. Donc, il dit, je veux que vous ayez le même Jésus que moi, la même vie que moi, la même vie éternelle que moi. Si vous n'avez pas la même vie éternelle que moi, si vous n'avez pas la même parole de vie, si le Jésus que vous avez, c'est pas quelqu'un qui s'est incarné, qui était auprès du Père, vous n'avez pas le même Jésus que moi, et si vous n'avez pas le même Jésus que moi, vous n'êtes pas en communion avec moi, et si vous n'êtes pas en communion avec moi, vous n'êtes pas en communion avec Dieu, et vous n'êtes pas en communion avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, c'est important qu'on réalise que si on n'a pas le bon Jésus, nous ne sommes pas en communion avec Jean, et nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Si on n'a pas le vrai Jésus, nous ne pouvons pas être en communion les uns avec les autres, ici en 2011, entre les frères et sœurs. Si on n'a pas le même Jésus, on ne peut pas être en communion les uns avec les autres. Et on ne peut pas être en communion avec Dieu, ni avec Jésus, le Fils de Dieu. Donc, le but d'annoncer l'Évangile, ou de parler de la parole de vie, ou d'annoncer la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce n'est pas de proclamer une place pour que les gens aillent au ciel, premièrement. Le but, c'est d'emmener les gens en relation avec Dieu. Et cette autre relation-là va continuer dans un autre monde, mais qu'on soit mort, ou qu'on soit revenu. Mais le but, c'est de les mettre en relation avec Dieu et avec le Fils Jésus-Christ. Et quand on parle du Fils, dans tous les livres de Jean, le Fils veut dire la même nature que Dieu, qui est de la même nature que son Père, qui était divin. Donc, quand Jean emploie le mot Fils pour Jésus, c'était quelqu'un qui était un être divin de la même nature que son Père. Et ici, il va dire Jésus-Christ, parce qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie. Et ça, il ne le dit pas pour rien. Il y en a qui ne croient plus dans le groupe que lui va parler, qui était le Christ. Donc, c'est important qu'on réalise ça. Et il dit, ici, c'est assez clair, il dit au verset 4, je vais vous dire pourquoi je vous écris ça. C'est parce que je veux que notre joie soit parfaite. Notre joie, c'est la joie de Jean et la joie de ceux à qui il écrit. Je veux que notre joie soit parfaite. Et cette joie-là va être parfaite si tout le monde est en communion les uns avec les autres, avec la vérité. Jean va dire dans la troisième épître, il dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants marcher dans la vérité. » La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Donc, Jean veut avoir de la joie. Il dit, s'il avait dit ma joie, ça serait un petit peu différent. mais il dit notre joie soit parfaite. Et notre joie, elle est parfaite quand nous sommes en relation avec Dieu. Notre joie dont il parle ici, ce n'est pas une joie momentanée ou humaine ou sociale. C'est pas de la joie que j'ai à voir quelqu'un faire un sport, ou avoir de la joie devant en écoutant de la musique, ou avoir de la joie en étant avec une personne, ou avoir de la joie en achetant quelque chose. C'est correct d'avoir cette joie-là. Mais lui, la joie dont il parle ici, c'est cette joie qui vient d'être en communion avec Dieu et le Fils et les autres chrétiens. Il y a une joie profonde d'être avec des enfants de Dieu. Si on n'est plus dans la joie d'être ensemble, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un système d'alarme qui sonne à quelque part. On devrait avoir de la joie d'être ensemble. Si notre communion est avec Jésus et Dieu. Oh, depuis quelque temps, je me rassemble avec des frères et sœurs et ça me procure de la joie. Je crois que c'est de la joie que Jean y parle ici. On s'aperçoit qu'en parlant les uns avec les autres, on a la même communion. Parce que nous possédons le même Jésus. Et cette communion-là nous démontre que nous sommes en communion avec le Père et le Fils. Et ça me cause de la joie. Il y a de la joie d'être avec des gens qui pensent comme nous, qui ont le même Dieu, le même esprit que nous. Donc, Jean va parler de cela. Il va parler du Fils. Il va parler de ce Fils incarné, qu'il est venu en chair, qu'il est de nature divine et qu'il est le Messie. Parce qu'il y a des gens dans l'Épître, on va voir, qui vont essayer d'emmener les gens, les personnes qui sont là, amener à commettre le péché. Je vais vous donner un petit indice, c'est qui mène à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est de pas garder la vérité enseignée par Jean et les autres apôtres. Si tu nies que Jésus est le Christ, si tu nies qu'il est venu en chair, si tu nies qu'il est le Fils de Dieu, tu as commis le péché qui mène à la mort. Et on ne peut rien faire contre celui qui nie cela. Ces gens-là, on va les appeler les antéchrists, les menteurs. Et tout au long de l'Épître, on va parler des menteurs en comparaison avec ceux qui ont la vérité. Les menteurs, c'est pas ceux qui mentent à leur femme, ou à leur mère, ou à leurs enfants, ou à leur mari, ou à leur épouse. Les menteurs, c'est ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas venu en chair. C'est eux autres les menteurs. Donc, nous allons penser à ça, nous allons méditer là-dessus pendant quelque temps. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous écris cette lettre. Merci que tu nous donnes la grâce de comprendre. Et c'est qui est ce Fils? Qui est cette vie éternelle? Qu'est-ce que ça produit en nous? Qu'est-ce que ça fait que d'être en possession de la vie éternelle? Aide-nous à découvrir le grand privilège d'être en communion les uns avec les autres et en communion avec toi et avec ton Fils. Montre-nous cela pendant que nous allons étudier ce beau livre. Amen.